que je déploie pour ne pas entendre ta voix et pour te faire taire. Je dis n'importe quoi. Tous les efforts que je déploie pour ne pas être fier de toi. Heureusement, tu n'entends pas. Je mentirai tant qu'il faudra. Je m'épuiserai à te cacher, à t'enfermer, te bâillonner. Je retiens même de sortir, j'ai bien trop peur de plus mentir. Je m'épuiserai à t'empêcher peut-être d'exister. Je t'oublierai s'il faut partir, j'ai bien trop peur de plus mentir. Tous les efforts que je si tu ne me pardonnes pas, je mentirai tant qu'il faudra. Peut-être je ne suis pas la même, ou bien celle que je crois. Tu auras beau toujours me dire, je m'épuiserai à te cacher, à t'enfermer, te bâillonner. Je retiens même de sortir, j'ai bien trop peur de plus mentir. Je m'épuiserai à t'empêcher peut-être d'exister. Je t'oublierai s'il faut partir, j'ai bien trop peur de plus mentir. Je m'épuiserai à te cacher, à t'enfermer, te bâillonner. Je te retiens même de sortir, j'ai bien trop peur de plus mentir. Je m'épuiserai à t'empêcher peut-être d'exister. Je t'oublierai s'il faut partir, j'ai bien trop peur de plus mentir. Je m'oublierai, oh, je m'oublierai s'il faut partir. J'ai bien trop peur de plus mentir.